16-20, activation orale, pouvoir, présent de l'indicatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Vous m'accompagnez tous les deux? Et vous répondez? Non, nous ne pouvons pas. 2. Tu m'accompagnes? Non, je ne peux pas. 3. Robert t'accompagne? Non, il ne peut pas. 4. Votre sœur vous accompagne? Non, elle ne peut pas. 5. Vos amis nous accompagnent? Non, ils ne peuvent pas.